Chapitre 12. Il avait beaucoup plu, la terre était mouillée et les arbres égouttaient leurs feuilles. Les pâles clartés du soleil blanchissaient les buissons. On entendait gronder sourdement un tonnerre presque éteint et les quatre chevaux de notre petite diligence trottaient au bruit de leurs grelots. Nous relayâmes au milieu d'une bourgade insignifiante qui est Châteaubourg et vers 7 heures du soir nous arrivâmes à Vitré. Le ciel avait appelé ses nuages et les avait rassemblés en larges bandes dans un coin de l'horizon. Son azur pâle verdissait aux approches de la nuit, le vent courait par nappes humides et frisait tristement les acacias de la promenade où cheminaient quelques bonnes gens endimanchées. Nous courûmes à l'hôtel, vaste maison d'antique apparence qui jadis appartenait à Madame de Sévigné. On nous installa dans une belle chambre. Les domestiques, les maîtres, s'évertuaient à nous servir, chacun faisait au plus vite et de son mieux. On sentait à l'activité bienveillante déployée pour recevoir des hôtes d'aussi minces bagages qu'on avait affaire à de nouveaux patrons soucieux de leur fortune et des voyageurs à venir. Le soir, lorsque, après un assez bon dîner, nous marchâmes vers nos lits entourés de rideaux blancs, la bourgeoise nous porta des poésies de Victor Hugo et les lettres de Madame de Sévigné. Mon flambeau était trop bas, je l'exhaussai en le plaçant sur les fameux volumes épistolaires et je lus les orientales. Oh, gens de goût, me le pardonnerez-vous? Comme nous nous trouvions bien où nous étions, nous y restâmes 2 jours et nous fûmes au mieux, car la ville est charmante. Ainsi que Morlaix, elle a conservé quelques vieilles maisons à poutrelles noires, à pignons avancés, à balcons de bois vermoulu. Son église ogivale porte au flanc une chair extérieure semblable à celle de Guérande, sculptée comme elle et comme elle devenue inutile. Les rues se déploient sous une colline d'où l'œil embrasse un grand horizon de prairies assombries par de hautes constructions flanquées d'ardoises qui devaient être des fabriques. On sent que la Normandie approche et déjà ici la Bretagne est bien loin. Les murailles pressent encore la ville de leur lourde ceinture. Elles plongent dans des douves demi-comblées, leurs remparts massifs et renforcés de grosses tours. L'âge des aridées, de larges crevasses, des ronces fourmillantes et ardues les encadrent comme la barbe hérissée de quelques vieux visages, et de belles teintes brunes, rousses et violettes se sont répandues sur leur écorce de pierre. Au bout de la rue principale que termine une arcade cintrée, s'étend une place irrégulière, poudreuse, entourée de maisons escortées de jardins potagers, d'un aspect gras et bourgeois. Dans un coin s'élève le château. Une forte courtine, percée d'une porte et des baies où se balançaient les flèches du pont-levis, rejoint 2 minces tourelles couronnées par les mâchicolis gothiques surmontées de toits aigus à girouettes criardes. Un pan de muraille à demi éboulé les relie à une 3e tour carrée, élégante et presque disparue, derrière un massif d'ormeaux sottement ébranché. Devant la façade, qui était grise, avec des tons bleuâtres et veloutée par le soleil, un cordier marchait à grands pas, laissant filer le chanvre qu'un enfant tordait en tournant une roue. Nous pénétrâmes dans une grande cour, dominée par des bâtiments sans valeur qui servent de prison. Au milieu s'arrondit un puits immense. L'eau brille, miroitante et livide, au fond de cette longue gaine de pierre. De la margelle usée sort une luxuriante guirlande de lianes échevelées au-dessus de l'abîme. Elles descendent, s'allongent, rampent en épanouissant la sombre verdure de leur feuillage, qui se confond avec la couleur noire des parvis humides. Comme nous étions dans le pays de Madame de Sévigné, et surtout comme nous nous trouvions face à face avec une longue journée dont l'emploi nous embarrassait, nous résolûmes d'aller visiter les rochers. Le temps se couvrait, de grosses nuées noires volaient lourdement dans le ciel, nous présageant un orage. Mais qu'importe, le sage doit-il s'émouvoir pour si peu? Nous partîmes donc, le bâton au poing et la pipe aux lèvres. Au-delà d'une large place, où beuglaient bœufs et paysans, l'un vendant l'autre, verdoie une haute futaie de hêtres, froide, propre, et trop bien entretenue pour n'être pas désagréable. Nous dégringolâmes du haut d'un mur en ruine, et nos pieds marchaient sur une route douce et gazonnée que les cantonniers ne doivent pas visiter souvent. Axiome, les routes sont comme les femmes, il faut beaucoup d'argent pour les entretenir. De chaque côté s'élevaient de hauts buissons de ronces où chantaient les grillons. Du milieu de leurs rameaux épineux sortaient de belles fleurs jaunes, et ces plantes blanchâtres, odorantes et floconneuses, que les enfants appellent « reines des prairies ». Derrière des haies vives, on voyait des paysans qui fauchaient les foins. La route était barrée, on y travaillait à je ne sais quelle arche de pont écroulée. Nous fîmes un détour pour prendre un sentier qui nous conduisit devant un moulin. Il battait son tic-tac régulier et tournait sa roue dans un petit ruisseau qui, fuyant à travers une vanne à demi fermée, s'enfonçait en terre et reparaissait un peu plus loin sous de vieux saules éventrés, jouant avec des cailloux verdis et courbant les feuilles aiguës des iris et des glaïeuls. Les arbres se heurtaient en bruissant, des ramiers volaient à tire-d'aile, des rafales de vent soulevaient la poussière du chemin et l'éparpillaient brusquement. Un éclair ouvrit le ciel et la pluie tomba par larges gouttes d'abord et ensuite drue et serrée. Un bois s'étendait à notre droite, nous franchîmes un échalier pour aller y chercher un abri. Il mouillait ses pieds dans un étang tout blanc de nénuphars et entouré d'aulnes, dont les tiges balancées ridaient sa surface. La pluie rebondissait sur l'eau et y dansait en légers globules. Nous étions sur des tertres environnés d'une mousse épaisse sur laquelle se dressaient quelques pâles fougères. Mille plantes s'épanouissaient à la fraîcheur du lac, et sous l'œil du soleil, des bruyères violettes comme un deuil royal, des campanules secouant leurs clochettes, des pâquerettes au cœur ceint d'une couronne d'argent, des digitales à feuilles velues et toutes ces charmantes fleurs dont nous avons souvent fait de si gros bouquets quand nous étions petits. Au milieu du bois s'élevait une hutte. Ces fortes murailles construites en troncs d'arbres assemblés soutenait un toit de chaume troué à son sommet et marbré de pelotons de lichens desséchés. Au-dedans, quelques hommes accroupis autour d'un feu mangeaient la soupe dans des écuelles jaunâtres. Un enfant dormait sur un lit de feuilles sèches. Des vrilles, des tarières, des marteaux, des haches luisantes pendaient à des branches. Un amas de copeaux s'amoncelait devant la porte auprès de laquelle un homme repassait en chantant un ciseau sur une meule de grès. C'étaient des sabotiers. J'entrai dans leur demeure, j'y bus une longue gorgée dans une cruche de terre et j'allumai ma pipe au charbon de leur foyer. En les voyant, nous pensâmes involontairement à ces chevriers de la Sierra Morena qui accueillaient l'aimable Hidalgo de la Manche lorsque le soir, quand les grandes ombres descendaient dans les prairies, il arrivait vers eux, après quelque belle aventure, qu'on le faisait asseoir sur une auge renversée, qu'on lui versait à boire dans un vase de corne, qu'on faisait rôtir en son honneur un quartier de chevreau tournant sur une baguette de bois vert, et qu'on lui racontait l'histoire du pauvre Chrysostome et de l'insensible Marcel, pendant que Sancho dormait, la tête appuyée sur un banc. La pluie cessa, et, tout humides encore, nous arrivâmes au rocher. Deux corps de logis, couverts en tuiles, éclairés de nombreuses fenêtres, se rejoignent à angle droit au milieu d'un vaste gazon planté de quelques arbres. À leur point d'intersection s'élève une tourelle carrée, grise et demi-ruinée. Plus loin, derrière un massif de marronniers, s'arrondit un bâtiment surmonté d'un dôme en ardoise. C'est peut-être la chapelle, à moins que ce ne soit le colombier. Tout cela est laid et d'un aspect disgracieux. Sous la conduite d'un domestique, qui fut assez poli malgré le délabrement de nos toilettes, nous visitâmes une salle à manger dont les murs disparaissaient sous une respectable quantité de portraits de famille. Ils nous parurent généralement mauvais, poussés de tons, affaiblis et poussiéreux comme de vieux pastels. De là, nous entrâmes dans la chambre à coucher, grande pièce sombre et ouverte d'une seule croisée, qui donne sur les jardins. Les lambris sont peints d'une couleur grise, uniforme et triste. Au fond, dans l'ampleur d'un large baldaquin, s'étend un lit monté sur deux marches, perdu au milieu des draperies de damas rouge. C'était là que dormait Madame de Sévigné, et c'est là aussi sans doute qu'elle a écrit une partie de ses lettres qu'on est convenu de qualifier d'immortelles. Nous demandâmes à voir le cabinet vert où se passa la fameuse entrevue avec la gouvernante de Bretagne. J'ai oublié ce qu'on nous répondit, mais je sais que nous ne pûmes y pénétrer. À côté de la chambre s'ouvre un étroit cabinet de toilette auquel on a spirituellement conservé son apparence d'autrefois. Sur une table où pivote une glace entourée de mousseline sont disposées les brosses en laque rouge chamarrée de petites fleurs, les houppes de cygne pour les poudres de riz et de noisettes, les larges peignes de buis, les pelotes ventrues piquées d'épingles et bordées de dentelles, les boîtes qui contenaient le fard et les parfums. La toilette est prête, et devant elle, un fauteuil en tapisserie de Beauvais, tout plein de personnages, tend ses bras vides et semble attendre quelqu'un. Sur une étagère, creusée dans un lambris, reposait un petit bourdalou en porcelaine de Saxe, convenablement orné de jolis oiseaux becquetant des fruits. La peinture était légèrement usée sur les bords, comme par suite d'un frottement prolongé. « Oh, bourdalou, pourquoi n'as-tu pas su nous dire tout ce que tu as vu depuis que tu es sorti vierge et pimpant des fabriques de Dresde ?» Quand nous sortîmes, le soleil reparaissait et séchait les herbes emperlées par la pluie. On respirait de bonnes odeurs fraîches, et du milieu des haies sortaient les émanations des fleurs cachées. Des nuages ardents allongés sur l'horizon doraient les cimes des arbres et les meules de foin mamelonnées dans les prés. Tout verdissait autour de nous. Nous n'avions pas encore trouvé les herbages de la Normandie, mais déjà nous étions dans les prairies, et elles s'étendent bien au-delà de Vitré, car le lendemain, en nous rendant à Fougères, les 6 lieues de notre route furent sans cesse accompagnées par une suite non interrompue de côtes et de vallons foisonnant d'une herbe grasse. Parfois même, nous rencontrions des aspects de paysage rappelant les vallées de la rivière Thibouville et de Bernay. Je ne sais pourquoi nous avions pris une voiture pour aller de Vitré à Fougères. Nous étions dans un assez large cabriolet qui roulait vite et n'était pas trop dur. Notre conducteur nous racontait, moitié riant et moitié tremblant encore, les désastreuses facéties de certains marquis, anciens propriétaires du château des Rochers, et qu'il avait souvent mené, autrefois, lorsqu'il était postillon. Ce marquis, qui s'appelait Monsieur de Létumière, avait pour courir la poste une voiture spéciale en tôle solide, haute sur essieu, peu suspendue. Il aimait à aller ventre à terre. Il affectionnait le chaos et se réjouissait fort quand il versait. Lorsque les chevaux se ralentissaient, il prenait un pistolet, l'armait, passait la tête à la portière et criait à son postillon « Au galop, ou je te brûle !» Ses goûts étaient connus à la poste dont le maître avait 2 chevaux enragés spécialement réservés à son service. Quand, à force de rapidité, on l'avait jeté bas dans quelque fossé, il sortait de son berlingot, ainsi qu'il nommait sa chaise, et disait en riant « Allons, le marquis n'est pas mort !» « Ramassons la boîte et au galop !» Et chevaux, voitures, marquis et postillons se relevaient, repartaient, couraient et disparaissaient comme une vision. Il n'était point fin, buvait volontiers au cabaret, gagnait parfois de violentes gourmades, il riait très fort quand il avait été battu. Il engageait ses biens, empruntait partout, ne payait nulle part, rossait ses créanciers, menait bonne vie, caressait les filles, les jetait dehors à coups de pied quand elles étaient enceintes, faisait bombance, riait toujours, et mourut enfin après 30 ans de cette vie-là, laissant 3 filles dégénérées qui sont des modèles d'ordre, de sagesse et d'économie. Parfois, notre cocher interrompait son histoire pour souffler à toute poitrine dans une trompe de conducteur, et ce fut au son de cette aigre musique que nous fîmes notre entrée à Fougères, où nous ne restâmes que le temps indispensable pour déposer nos sacs à l'hôtel. Nous traversâmes un long faubourg, escorté de basses maisons qui sentaient la vacherie, et nous marchâmes sur une longue route grise de poussière et plantée de noyers si jaunes qu'il n'avait point de feuilles. Tout au bout, cependant, superbement éclairé par le soleil, grandissaient de puissants remparts de verdure qui étaient la forêt de Fougères. Au moment où nous allions l'atteindre, nous découvrîmes à droite du chemin une vaste masure en bois d'où s'échappait une épaisse fumée. Tout autour, la terre était noire. Sur les poteaux qui retenaient sa porte reposaient des bouteilles et des vases de formes étranges. On voyait des hommes déguenillés en sueur qui passaient comme des spectres. En secouant leurs bras, ils sortaient de cette hutte un bruit singulier. On entendait le ronflement des soufflets de forge, le crépitement du feu, et comme un murmure de chants et de voix. Nous entrâmes, c'était une verrerie. Des ouvriers tout nus, sous une blouse humide, s'agitaient autour d'une fournaise où bouillait le verre en fusion. À travers les moutures, la flamme reluisait, blanche et unie, avec des glacis roses qui lui donnaient d'immenses profondeurs. On allait, on venait, soufflant les bouteilles, tordant les verres à pattes, lustrant les flacons, arrondissant les carafes. Avec de longues cuillères, on pêchait le cristal liquide qui sifflait à l'air et prenait en se refroidissant de belles teintes de pourpre et de carmin. On nous initia au mystère de la cuisson et de la recuisson. On nous montra comment on coulait, comment on polissait, comment on taillait le verre, et nous partîmes fort satisfaits, essuants à grosses gouttes. Heureusement que la forêt était là, toute proche, avec ses hêtres et ses hautes herbes. Nous nous y sommes roulés à plaisir, nous y sommes longtemps restés couchés, sous les feuilles qui remuaient et les nuages qui passaient, puis nous avons marché au hasard parmi les taillis et les futaies. Nous sommes arrivés auprès d'une clairière gazonnée. Au milieu s'élevait une petite maison au flanc de laquelle se tordait un cep de vigne qui encadrait les fenêtres. À côté coulait une fontaine. Derrière, entre quatre haies, s'allongeait un jardin et, sous un châtaignier, une vache rouge ruminait en nous regardant. À quelques pas de là passe la route qui nous ramena jusqu'à Fougères. La forêt est célèbre par ses monuments druidiques, mais nous ne pensâmes même pas à chercher à les voir. La ville autrefois était curieuse. Ce n'était que vieilles maisons, hauts clochers, ruelles tortueuses, pignons fleuronnés et cheminées d'ardoises. Mais deux incendies allumés au siècle dernier l'emportèrent un beau jour et en firent de la cendre. On se mit à l'œuvre et on la reconstruisit en élevant de belles maisons en pierre de taille avec de belles boutiques au rez-de-chaussée. Une pente rapide nous conduisit sous une arcade cintrée encore garnie de ses bancs en granit et de rainures où glissait la brise. L'extérieur se présente bien et récompense largement de l'aspect insipide de cet amas de demeures bourgeoises. Le livre est mal imprimé, il est vrai, mais sa reliure est belle. Deux tours surmontées d'une plateforme rétrécissent une courtine ouverte d'une large porte, au-dessus de laquelle brille sous verre et dans un cadre doré une vierge vêtue de clinquants, avec des rubans sur la tête et un bouquet de fleurs d'oranger à la main. À côté de la tourelle principale, derrière un petit parapet, tombe une chute d'eau verte et bouillonnante, dont les gouttes jaillissantes vont mouiller les pieds de deux beaux acacias penchés au-dessus d'elle. On entend le tic-tac d'un moulin invisible. De là, la vue embrasse d'un seul coup d'œil l'étendue de remparts ébréchés qui saignent la ville et suivent ses sinuosités en gravissant une colline toute fière de ses jeunes tilleuls. Des mâchicoulis, dont les consoles sont reliées par des ogives tréflées, rampent à leur sommet et semblent servir de piédestaux à des bouquets d'herbes sauvages. Partout s'ouvrent de sombres poternes, d'étroites fenêtres, dont les carreaux sont édentés de vieillesse, et des meurtrières d'où s'élèvent des perches garnies de linge humide encore de la dernière lessive. Le soleil se couchait en face et empourprait les murs de ses lueurs magnifiques. À leurs pieds coule un ruisseau qui est presque une demi-rivière. Les plantes accompagnent son courant de toute la longueur de leurs racines et le rident de plis charmants. 20 ponts de bois le traversent hardiment, sans piliers ni balustrades. De chaque côté, entre des jardins et de vieux saules, s'alignent des maisons qui sont des blanchisseries et des tanneries. Au-delà, ce sont des prés où paissent des bestiaux. Auprès de la ville, y touchant et la défendant, s'étendait le château qu'en 1173 bâtit Raoul de Fougères. Maintenant, ce n'est plus qu'une ruine immense montée sur des talus verts, tremblante et lézardée. De ces tours délabrées, percées à jour et souvent fendues dans toute leur hauteur, pendent de traînants bouquets de ronces, de lierres, de vignes vierges et d'églantines. La moitié du donjon est seule restée debout, dominant les fortifications qui l'entourent, éventrées, montrant à nu ses flancs solides, avec un fragment d'escalier accroché au-dessus d'une fenêtre et un reste de toit à demi éboulé. Sur les moellons de ces créneaux, deux grands contreforts se sont abattus, entraînant, avec les tourelles à nid d'aronde, les guérites des guetteurs, les moucharabiers, les escarpes et les remparts eux-mêmes. Sur cet amas de décombres que jadis on avait hissé à grand renfort de grues et de leviers, d'autres écroulements ont jeté de la terre. L'herbe y pousse, et maintenant ce sont de beaux jardins. On en a déblayé une partie pour faire une grande route. Quand nous la traversâmes, une pension de petits enfants y passait en jouant sous la conduite d'un frère ignorantin. En haut de la ville, c'est l'église, qui, de loin, fait bonne figure et prend bien sa place dans le paysage général, et qui, de près, est laide, mal bâtie, de travers et sans grandeur. La nef est entièrement replâtrée à neuf, et les boiseries de chêne gémissent sous le poids de 10 énormes saintetés peintes par Eugène Deveria. Il n'y a qu'une belle draperie d'un mage agenouillé. Femmes, vieillards, enfants, juifs et romains, apôtres et proconsuls, tous ont des chairs rosées et comme pointillées de carmin. Le tronc des arbres est brillant et poli comme de l'acajou verni. Dans ces horizons immobiles et pesants, on ne respire pas. L'air ne peut circuler sous ce ciel d'un bleu dur et criard. Le Christ semble sortir de chez le perruquier du coin. Sa barbe frise avec élégance sur son cou blanc, sans saillie musculaire, et ses cheveux blonds tendres sont coquettement bouclés autour de ses oreilles. C'est tout au plus une mauvaise peinture de boudoir de fille entretenue et qui rappelle par ses poses, sa couleur et son dessin, les déesses des quatre saisons qu'on voit parfois dans les salons de quelques restaurants. C'était un homme de talent, cependant. Sa naissance de Henri IV annonçait un artiste. Mais, au lieu du grand peintre qu'on attendait, on n'a trouvé qu'un faiseur de tableaux. Il avait peut-être en lui la valeur de 12 toiles, et il en a fait 50. Il a illustré des livres, lithographié des portraits d'actrices, fait des aquatintes et dessiné des têtes d'études pour les pensionnats de jeunes filles. Il avait une pièce d'or, il l'a changée contre 200 gros sous. En a-t-il été plus riche ? Ah, dans quelques années, comme on brûlera tout ça pour en extraire le plomb qui servira peut-être à étamer des poêlons ou à souder des gouttières.